Chapitre 2. Amélie Noué était la fille d'un professeur de français établi à Vienne. Chargée de nombreux enfants, celui-ci avait accepté avec reconnaissance l'offre que lui faisait le comte de Wolberg de donner sa dernière fille, alors âgée de 10 ans, comme compagne à la petite comtesse Juliane, afin d'exciter l'émulation de l'enfant, paresseuse et trop gâtée. Amélie avait donc été élevée au milieu du luxe, elle était devenue l'amie de Juliane de Wolberg, nature un peu molle, un peu futile, mais affectueuse et bonne. Il y avait là, pour une jeune fille sans fortune, un grave péril. À côtoyer cette existence de grand seigneur, elle pouvait éprouver les funestes effets de l'ambition ou s'aigrir au contact de ce luxe raffiné. Mais Amélie avait une nature raisonnable et droite, elle était pieuse, portée vers les œuvres de charité, et jamais un désir ambitieux n'effleura l'âme de la simple et modeste lectrice de Juliane de Wolberg. Elle n'avait pas quitté la jeune comtesse lorsque celle-ci avait épousé Lord Randolph Hawker, duc de Saldif. Elle était pour la jeune femme une conseillère fidèle, une amie, non pas toujours écoutée mais très estimée, et si quelque sérieux demeurait dans l'esprit et le cœur de Lady Juliane, c'était à cette âme d'élite qu'elle le devait. Maintenant, Mademoiselle Noué était l'institutrice des petites ladies, Isabelle et Ophélia, l'une fille de la duchesse, l'autre cousine, par son père, du défunt duc, car Lady Juliane était veuve depuis plusieurs années. Mais la situation d'Amélie demeurait celle d'une amie, d'autant plus estimée qu'elle montrait en toutes circonstances la plus grande discrétion. Elle ne craignait donc pas d'être mal accueillie en ramenant les pauvres orphelins, sachant que la comtesse de Wolberg compatirait aussi, comme sa cousine, à un si grand malheur. En arrivant à l'hôtel de Wolberg, Mademoiselle Noué fit monter les enfants dans son appartement, envoya la femme de chambre leur chercher du consommé, prépara avec son aide 2 couchettes. Et ce fut seulement, après les avoir vus tomber endormis de fatigue et de chagrin, qu'elle changea de costume et descendit chez la duchesse, qu'elle n'avait pas vue depuis 15 jours, ayant passé ce temps en Bourgogne, près d'une vieille parente de son père. Elle entra sans se faire annoncer, ainsi qu'elle en avait coutume avec son amie, dans le salon qui précédait la chambre de la duchesse. Mais elle s'arrêta sur le seuil en voyant que celle-ci n'était pas seule. « Entrez donc, mademoiselle Amélie, » dit une voix jeune, au timbre chaud et vibrant, avec un accent anglais prononcé. Elle s'avança et s'inclina en disant gaiement « Je ne m'attendais pas à trouver votre grâce, que je croyais à la pointe de l'Italie. » Celui auquel elle s'adressait, un jeune homme de 16 à 17 ans, debout près de la duchesse, lui tendit la main avec un sourire qui éclairait singulièrement sa physionomie, très belle, extrêmement intelligente, mais exprimant à l'ordinaire une hauteur que les gestes et l'attitude venaient encore augmenter. « Non, je suis revenue à Paris, mademoiselle, par suite d'un accident, d'ailleurs peu grave, arrivé à mon compagnon de route. » « Ce voyage s'est bien passé, ma chère Amélie ?» demanda la duchesse en tendant les 2 mains à son amie et en levant vers elle un aimable visage, encadré de beaux cheveux blonds, légèrement poudrés. « Très bien, Juliane, c'est-à-dire pas dans sa dernière partie. » « Avez-vous été attaqué, dévalisé, comme vous me le prédisiez au moment de mon départ pour l'Italie ?» demanda en riant le jeune homme. Mais il s'interrompit devant le visage grave de Mademoiselle Noué. Celle-ci narra brièvement le triste accident. À mesure qu'elle avançait dans son récit, la physionomie très mobile de la duchesse exprimait une vive compassion et celle du jeune homme un intérêt réel, bien qu'un peu froid. « Et qu'avez-vous fait de ces petits malheureux, Amélie ?» demanda la duchesse. « J'ai pris la liberté de les amener ici, et, en ce moment, ils dorment là-haut dans mon appartement. J'ai pensé que vous ne seriez pas mécontente. » « Non, certes, ma bonne amie, c'est là chose toute naturelle. Mais ceci va vous causer bien des ennuis si vous vous chargez des démarches. »« Que voulez-vous, Juliane ? Il faut bien rendre service au prochain. » Et ces pauvres petits sont si touchants. Vous nous les amènerez quand ils seront un peu remis, Amélie. Vous dites que leur mère était anglaise ? Oui, mais ils ignorent son nom. Et eux, comment se nomment-ils ? Demanda le jeune homme en se penchant pour jeter un coup d'œil sur la pendule. Magali et Freddy Dolté, milord. Magali, un joli nom, souvenir de Mireille. Son père était provençal, m'a-t-elle dit. Les recherches pourront se faire tout d'abord de ce côté. Évidemment, c'est déjà quelque chose de savoir par où commencer. Je vous souhaite bonne réussite, mademoiselle Amélie. À ce soir, ma mère, Maximilien m'emmène déjeuner à l'ambassade d'Autriche. Allez, allez, Gérald, profitez bien de votre séjour ici, dit en souriant la duchesse. Mais ne prenez pas d'engagement pour ce soir. Vous savez que nous avons une première à l'opéra. Je n'aurai garde de l'oublier. L'opéra est ma passion. Tenez-moi au courant de cette lamentable histoire, mademoiselle Amélie. Il s'éloigna d'un pas souple et vif, très élégant dans la tenue ultra correcte qu'il portait avec une désinvolture de grand seigneur. Sa mère le suivit des yeux, une petite flamme d'orgueil traversa son regard. « Il est superbe, mon Gérald, n'est-ce pas, Amélie ?»« Superbe, en effet, et ce qui vaut mieux, il est bon, sous son apparence un peu fière. » Ce mot, très atténué, n'était pas tout à fait celui qui convenait. En réalité, l'orgueil extrême et le naturel violent du jeune duc de Saldif étouffaient souvent ses qualités morales, à tel point que certains de ceux qui l'approchaient niaient cette bonté que lui reconnaissait sincèrement Mademoiselle Noué. En quittant la duchesse, elle se rendit près de ses élèves qui flânaient dans la salle d'études. Lady Isabelle, une vive et jolie fillette blonde, s'élança vers elle et se jeta dans ses bras. « Ah, que je suis contente de vous revoir, mademoiselle. C'est long 15 jours sans vous. »« Vous êtes bien gentille de trouver cela, ma petite Isabelle. Ophélia n'est peut-être pas de cet avis. » Elle s'adressait à une fillette très svelte, très élégamment vêtue, dont la chevelure fauve encadrait un visage régulier et froid, extrêmement blanc. « Mais si, mademoiselle, » dit-elle tranquillement en tendant la main à mademoiselle Noué. « Seulement, je ne suis pas aussi expansive que Bella. »« À propos, » s'écria vivement Isabelle, « qu'est-ce que nous a raconté Betsy ? Vous avez ramené des enfants, de petits orphelins ?»« Des mendiants ?» demanda dédaigneusement Ophélia. « Mais pas du tout. Asseyez-vous, je vais vous raconter cela. » Ophélia l'écouta d'un air distrait. Isabelle exprima une vive pitié et déclara qu'elle voulait voir les enfants. Ils sont trop fatigués, trop brisés par leur chagrin, ma chère petite. Aussitôt que possible, je vous les ferai connaître. Vous verrez comme ils sont charmants et distingués. Il faudra les garder, mademoiselle. La petite fille sera mon amie. Isabelle, une enfant trouvée ? S'écria sa cousine avec mépris. Ils ne sont pas du tout enfants trouvés, déclara fermement mademoiselle Noué. Ils ont un nom, nous savons d'où ils viennent. « Ophélia, montrez un peu plus de mesure et de charité dans votre langage, mon enfant. » Mais la fillette se détourna avec une petite moue dédaigneuse et se mit à feuilleter une revue de mode que mademoiselle Amélie dut lui enlever des mains en déclarant qu'elle avait mieux à faire que d'exciter sa coquetterie. Lady Isabelle dut attendre 15 jours avant de connaître Magali Dolté. La petite fille se trouva en proie à une fièvre violente et mademoiselle Noué, qui la soigna avec un infatigable dévouement, craignit un moment pour sa vie. Mais la crise fut surmontée. Magali, très affaiblie, put enfin se lever et, un jour, elle descendit au bras de sa protectrice dans le jardin de l'hôtel de Wolberg pour profiter d'un rayon de soleil qui attiédissait l'atmosphère. Freddy était là aussi, touchant au possible dans son costume noir, avec son délicat visage trop blanc, ses boucles sombres, ses yeux un peu attristés encore, mais où revenait à certains instants un rayon d'enfantine gaieté. C'était un charmant petit caractère, très aimable, extrêmement affectueux. Déjà, mademoiselle Noué éprouvait pour lui une tendresse maternelle. mais elle se sentait attirée plus encore par cette petite Magali, très aimante, ardemment reconnaissante, dont le regard avait une profondeur singulière, dont le cœur enfantin souffrait, silencieusement mais cruellement, de la perte d'une mère très aimée, de l'abandon absolu où se trouvaient désormais son frère et elle. Car les recherches en Provence n'avaient fait connaître que ceci, les Dolté, originaires d'Arles, appartenaient à une vieille famille de robes, très honorable, dont le dernier survivant, Luc Dolté, cerveau d'artiste, original et aventureux, était parti une vingtaine d'années auparavant pour l'Amérique. Depuis, personne n'avait entendu parler de lui. Et, de ce côté, il ne restait aux enfants aucune parenté. Grâce aux hautes relations de la duchesse et du comte de Volberg, Mademoiselle Noué avait eu également une très prompte réponse de Bombay. Il existait dans cette ville l'acte de décès de Luc Dolté, trouvé assassiné dans un faubourg, sans qu'on eût jamais connu l'auteur de ce crime. On recueillit également des renseignements sur sa parfaite honorabilité et celle de sa veuve, très pauvre et très méritante, demeurée sans ressources après l'effondrement de la petite entreprise commerciale que dirigeait M. Dolté. Mademoiselle Noué avait reçu cette réponse la veille et, très perplexe, elle se demandait ce qu'il allait advenir de ces pauvres petits êtres, si délicats au moral et au physique. Si on voulait, pourtant, ce lui serait si facile, à elle, Amélie, d'élever ses enfants, si doux, de les entourer d'affection. Personne ne s'apercevrait de leur présence dans les vastes résidences où la duchesse et ses enfants se transportaient selon les saisons. Ce matin, elle avait sondé le terrain et reçu de son amie cette réponse encourageante. « Mais je n'y vois pas d'obstacle, je m'associerai même avec joie à cette bonne œuvre. » Seulement, il faut que je demande l'avis de Gérald. » Le duc, malgré sa jeunesse, était considéré comme un oracle par sa mère, très fière de ses brillantes facultés et, d'ailleurs, voyant en lui le chef de la famille. De ce côté, Mademoiselle Noué n'était pas sans appréhension, la naturelle générosité du jeune homme étant soumise aux fluctuations d'une volonté impérieuse, extrêmement entière, et de caprices tout à fait impossibles à prévoir. Lentement, Mademoiselle Amélie et Magali firent deux fois le tour de la grande pelouse, suivies par Freddy, puis revinrent à petits pas vers le logis. Là-bas, au seuil d'une porte vitrée, venait d'apparaître le jeune duc, puis Lady Isabelle et Lady Ophélia, vêtues de toilettes claires, pour une matinée enfantine qui avait lieu cet après-midi à l'ambassade d'Angleterre. Était-ce la fatigue de cette courte promenade, ou bien se trouvait-elle intimidée par les regards curieux dirigés vers elle? Toujours est-il que Magali glissa tout à coup, prise de faiblesse. Mademoiselle Noué la soutint précipitamment. « Donnez-la-moi, mademoiselle, » dit Lord Gérald en s'avançant d'un mouvement spontané. Avec une aisance, dont on l'aurait cru incapable, sous son apparence élégante et fine, il enleva l'enfant entre ses bras et l'emporta dans le salon où se trouvaient la duchesse et la comtesse de Volberg. Une fois étendue sur un canapé, elle se remit presque aussitôt et un peu de rougeur monta à ses joues mates en se voyant entourée de ses étrangers. Les paroles bienveillantes des deux dames, le sourire aimable de Lady Isabelle, parurent cependant la mettre à l'aise. « Elle est laide, cette petite !» chuchota Lady Ophélia à l'oreille de son cousin, qui se tenait debout à quelque distance, appuyé contre la cheminée. « Oui, plutôt, sauf les yeux qui sont magnifiques. Mais le petit garçon est délicieux. Venez ici, petit !» Freddy se tenait serré contre sa sœur, ses grands yeux bleus, un peu apeurés, regardaient tous ces visages inconnus. À l'appel du jeune duc, il ne bougea pas et cacha son visage contre le bras de Magali. « Eh bien, ne m'avez-vous pas compris ? » dit un peu brusquement Lord Gérald, dont la patience n'était pas la vertu dominante. À cette intonation impérieuse, Magali eut un tressaillement, elle dirigea son regard vers lui. Et Mademoiselle Amélie, en voyant se heurter les prunelles sombres de l'enfant où passait une lueur de révolte et de fierté blessée, et les grands yeux bruns du jeune homme, exprimant une hauteur mélangée d'irritation et de surprise dédaigneuse, comprit que les deux orgueils se rencontraient. Ainsi qu'elle l'avait soupçonné, Magali possédait une susceptibilité excessive. L'excellente demoiselle, avec un serrement de cœur, songea que la pauvre petite venait probablement de s'aliéner, par ce seul regard, la sympathie de celui qui devait décider son sort. Lord Gérald avait froncé les sourcils et, détournant dédaigneusement les yeux, il dit à sa cousine « Quelle désagréable physionomie à cette petite !» Freddy, sur un signe de Mademoiselle Amélie, s'avança, un peu intimidé, mais si joli, si touchant, que la physionomie mécontente du jeune duc se détendit un peu. Il caressa l'enfant, lui demanda son nom et lui adressa quelques questions en anglais, langue que Freddy parlait presque mieux que le français. La duchesse et Madame de Wolberg, de leur côté, interrogeaient Magali. Mais l'enfant ne savait rien de plus que ce qu'elle avait dit précédemment. Elle ne connaissait pas le nom de sa mère, qui eût permis de faire des recherches en Angleterre. « Il faudra voir à caser ses enfants dans un orphelinat, » dit Madame de Wolberg. « J'en connais un excellent. »« Oh, ma cousine, les pauvres petits !» murmura Lady Isabelle, dont le joli visage témoignait une vive compassion. « Que voulez-vous, ma petite Bella? Il n'y a pas d'autre solution. » « Si, il y en a une autre, » dit la duchesse en faisant signe à Madame de Wolberg de s'éloigner un peu de l'enfant. « Ces petits êtres paraissent bien élevés. Du côté paternel, ils sont d'une bonne famille. Amélie se propose de se charger de leur éducation et de les élever elle-même, à mes frais, naturellement, car je tiens à avoir ma part dans cette œuvre de charité. Nous leur préparerions un avenir convenable. » Qu'en dit Gérald ? Demanda Madame de Wolberg. Elle se tournait vers le jeune homme qui avait repris sa pose nonchalante contre la cheminée. Je ne m'y oppose pas, ma cousine. Les enfants sont anglais par leur mère. Leur position est incontestablement très pénible, très intéressante, et, en vérité, je crois que ma mère et Mademoiselle Noué feraient là une très bonne œuvre. Mais il me paraît excessif, Mademoiselle Amélie, que vous vous chargiez vous-même de ces enfants. Les collèges sont là pour les recevoir. Ils sont de santé bien délicate, et je serais si heureuse de les avoir tout à moi, Milord, dit Mademoiselle Amélie avec un regard suppliant. Ils sont si gentils, et je les aime tant déjà. Oh, chère Mademoiselle Amélie, s'il ne faut que cela pour vous contenter, gardez vos petits protégés, dit-il en souriant. Mais peut-être, consultant comme toujours beaucoup plus votre bon cœur que vos forces, allez-vous vous fatiguer avec ces enfants dont vous ignorez la nature, les goûts, l'éducation. Rassurez-vous, Milord, je me ménagerai, dit gaiement Mademoiselle Noué, intérieurement ravie de cette acceptation qu'elle n'osait presque pas espérer la minute d'auparavant. Quant à leur éducation, elle me paraît admirablement commencée, la nature est charmante. Dit-il ironiquement. La petite a un regard qui n'est rien moins que doux. Enfin, essayez, mademoiselle. Il sera toujours temps de changer d'idée si vous en avez assez. Et vous savez, petit garçon, profitez de votre chance, car vous ne trouverez pas tous les jours un cœur comme celui-là pour se dévouer à vous. Il caressait du bout des doigts la joue blanche de Freddy, et sa voix, sous le ton badin, avait une inflexion légèrement émue. « Allons, Ophélia et Isabelle, il est temps de partir, » dit-il en prenant son chapeau déposé sur un meuble. « Sans quoi, vous risqueriez d'arriver très en retard. Mais peut-être le préférerez-vous ainsi. Il est très agréable de faire une entrée un peu sensationnelle, n'est-ce pas » ajouta-t-il d'un ton moqueur en s'adressant plus particulièrement à sa cousine. « Que vous êtes méchant, Gérald !» dit la fillette avec une petite moue et un coquet mouvement de tête. Je m'impatientais au contraire, en dedans, de nous voir retarder ainsi, et je pensais que Mademoiselle Amélie aurait pu choisir un autre moment pour nous présenter ses protégés. Qu'est-ce que cela fait ? Interrompit vivement Isabelle. Mademoiselle Amélie n'a rien choisi du tout, et nous aurons encore bien le temps de danser. Au revoir, Magali, je suis très contente que vous restiez avec nous. Je reste ? Murmura la petite fille, qui n'avait pas entendu la décision prise, ce bref entretien ayant été tenu un peu à l'écart du canapé où elle était à demi étendue. « Mais oui, avec Mademoiselle Noué, » dit la duchesse en se rapprochant. Cela vous fait-il plaisir, mon enfant ?»« Avec elle ! Oh oui !» dit Magali, dont le teint pâle se rosa soudain, tandis que son regard, doux et aimant cette fois, se posait sur le bienveillant visage de sa protectrice. Nous ferons de bonnes besognes ensemble, dit Mademoiselle Amélie en baisant tendrement le front de l'enfant. Je n'en doute pas, vous seriez capable d'adoucir le fauve le plus féroce, dit en riant Lord Gérald qui passait devant le canapé pour gagner la porte. Magali n'est heureusement pas une fauve, du moins je l'espère, répliqua sur le même ton Mademoiselle Noué en passant la main sur la magnifique chevelure blonde de la petite fille. Allons, mon enfant, remerciez sa grâce qui veut bien m'autoriser à vous conserver près de moi. Elle voulait essayer d'atténuer l'impression fâcheuse produite sur le duc par la petite fille, mais elle appréhendait secrètement une résistance. Magali eut un frémissement, ses yeux s'assombrirent, mais elle se leva et dit, un peu raidie, sans regarder Lord Gérald, « Je vous remercie, milord. » Il eut un geste vague qui pouvait signifier également « c'est bien » ou « peu m'importe ». Son regard, dédaigneux ou presque dur, effleura le visage de l'enfant, contracté par la violence qu'elle se faisait. Puis il s'éloigna à la suite de sa cousine et de sa sœur. Lorsque Mademoiselle Amélie eut ramené les enfants dans son appartement, elle vit Magali s'asseoir, le front plissé, dans l'embrasure d'une fenêtre, et y demeurer longtemps, farouche et songeuse. « Qu'avez-vous, petite Magali ? » demanda-t-elle enfin. L'enfant leva vers elle un regard grave. « Je pensais à ceux que je viens de voir. C'est avec eux que nous vivrons, Freddy et moi ?»« Avec eux ? Non, pas précisément. Mais avec moi. » « Eux sont de très grands seigneurs et notre lot à nous est de rester à l'écart. »« Ce qui ne nous empêchera pas d'être heureux, Magali. »« J'aime mieux cela, » dit Magali, dont le front se rasséréna soudain. « La petite Lady Blonde a l'air très aimable, mais je n'aime pas du tout l'autre. Et lui, comme il nous regardait de haut, oh, je le déteste !» De nouveau, les grands yeux veloutés se faisaient sombres, la petite bouche avait une crispation de colère. Et quelle singulière amertume dans cette voix d'enfant. « Magali, seriez-vous orgueilleuse ?» s'écria Mademoiselle Noué en lui saisissant les mains et en plongeant son regard dans celui de la petite fille. Magali frémit, ses grands cils blonds se baissèrent, voilant un peu ses yeux. « Oui, » murmura-t-elle. « Oh, c'est bien mal, je le sais, ma chère maman me le disait toujours. »« Mais je ne peux pas, non, je ne peux pas !» dit-elle ardemment en pressant ses mains contre sa poitrine.